Fennec, Neo Clash, Tir Makosa, sur un beat de Reda Music. Les comptes font rassurer même sur le terrain de basket. Nous on joue en D1, alors protège terrain tapé. Eh ouais, sois crête si tu souhaites que ça passe crème. Le rap c'est français plein tarlouze, j'ai le basket. C'est français plein tarlouze, j'ai le basket. Je leur conseille plutôt d'aller faire du lap dance avant de prendre conscience de la puissance du MacMan. On a peut-être pas la logistique des cartels. Enroule des mini-sticks, esquive les schmitts avec des cartels. J'ai appris que des bouffons voulaient jouer les macrels. RTV dans sa chante macrète pour leur faire goûter la crème. Joue pas le Warren, tu pourrais te faire shooter cet après-midi. Chez nous c'est œil pour œil, dent pour dent, t'y connais le barrel. Les stars vont cavaler comme des lapins de carène. Frérot, éloigne donc cette seringue de ta veine. C'est le venin que je te ramène, et ouais c'est de la patate. Encore plus violent que le bavot d'Islamabad. Le mode de vie est le même pour ma classe sociale. Pas trop choix mais on tient droit grâce au ciel. Que l'on soit zonard ou dans charbonnage, on lâche pas nos proies mentales de charognard. Nous on gratte nos pages, crash au mic, nos life, l'histoire de nos haves, ceux qui tapent au black squat, au bas, casse le ventre, au star kebab, on tape des sangs coma jusqu'à tard le soir. Understyle, les frérots savent qui rappe comme ça. Qui clandestin, néo clash, Xir Makosa. Mode de vie d'Aoka, faut qu'on se tire de l'opaque. C'est pas avec le chômage qu'on aura le plus face au ça. Parce que dans nos crânes, c'est le noir total. Chaque gramme est un marque-page, interdit qu'on marche au pas. On vient des blocs plein de bis, on bosse au box 28. Pas trop love 20 bis, c'est le ghetto dans l'exil. Prendre le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Pour nos modes de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Ma machine est en route, je n'arrête plus d'évitable. Alors qu'on provoque les mots, mes mots l'air subissent l'émotion de mes nerfs. L'encre de mon bic s'échappe, ça frappe dès le moment où je passe le cap. J'organise des tueries comme Ali Touche. T'analyse et reste ahuri face au clandestin. Arrête de nous prévenir pour tes plans restreints. S'il y a rien à croquer, ton cul sera notre festin. Mode de vie gore, avenir incertain. Sors la picole, shit coque, les flics collent à mon arrière-train. J'suis une menace pour le système. Même épuisé de nasse dès qu'il y a les pires thèmes. Renifle cette odeur de Skyarissa. T'as mal au cœur face au barreau de Ranchista. Fennec et Chapso, Nino Vegeta, Neo, Bess Sarko. Dans un silo de céréales, blaireau. Comme le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Comme le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Vas-y branche le jack, néo clash, envoie un jet, pas un geste. Ketama vient passer ma deuxième. Époque spleen, même les tokos speak, c'est Tokyo speed. On se tire dessus, on se contente plus de j'tokos plus. J'suis un gosse de plus, bercé par la rue, c'est pas la rousse qui me fera viser la lune. J'brise des nuques, fous des barres, pas la brise de Nice, t'es pas à l'abri. Ta pauvre sœur, non la customise. Seul contre tous, comme Messi face au mancunien. Qui lâchera la savonnette, se verra se faire enculer. Acculé par la jalousie, j'en ressors au rancunier. J'ai empilé les critiques qui disaient que j'allais reculer. Recouler, aucune main ne rasera la crinière. La boîte crânienne a de quoi faire sauter la gazinière. J'ai emmagasiné les bises qui m'ont roulé comme de la bœuf. Redal, voici le fruit d'un dur labeur. Comme le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Comme le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Comme le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après les paroles, nous on passe aux armes. Comme le mode de vie, on l'air trop bizarre. Des jeunes cramés mais pas sous le soleil d'Ibiza. Clandestin et au clash sur ma cosa. Après